J'ai le souffle court, trop court, trop court. Je peux plus respirer, ah mon Dieu, appelez les pompiers. J'ai le souffle court, trop court, trop court. Je peux plus respirer, ah mon Dieu, appelez les pompiers. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps? J'ai mes neurones qui tricotent et mes pieds, j'ai froid aux pieds. Je peux plus respirer, ah mon Dieu, de l'air s'il vous plaît. Mon Dieu s'il vous plaît, qu'on me foute la paix. Parce que je trime, je galère, j'ai pas les pieds sur terre, surtout le matin. La tête dans l'oreiller à me demander à quoi bon se lever. Du mauvais pied. Mes bouteilles, j'ai plus d'air, plus d'oxygène. Je cours, je souffle, je cours à bout de souffle. Sur le trottoir pour piétons, j'y marche à reculons. Alors docteur, dites-moi qu'est-ce que je dois faire? Avancer, tête baissée, suffoquer, me taire. Alors docteur, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, me saouler ou me droguer sous une tonne de somnifères. Alors docteur, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, avancer, tête baissée, suffoquer, me taire. Alors docteur, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, me saouler ou me droguer sous une tonne de somnifères. Non. Je préfère rentrer chez moi tranquillement comme il se doit. Alors je te dis au revoir monsieur le docteur. J'espère pas la prochaine et j'espère bien que j'aurai de la veine. Je cours à bout de souffle, mais je peux plus m'arrêter.